Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit le Watibé. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Watibé, c'est maintenant sur Skyrock. Coup d'envoi de cette nouvelle soirée avec l'équipe du Watibé. On va faire l'appel pour ce soir. Les Shinsekai. Yeah. Oh, ah. Pal. Non, dis présent. Ouais, on dit pas vrai. Oh, ah, on dit pas. Watibé, on a nos trucs à nous, c'est bon. Ok, bon, on va dire qu'ils sont là. Linda Sheraza. Ah, voilà. La bonne élève. Je sais que c'est quelqu'un de sérieux. Bonne élève. Ça va bien, ma petite Linda? Ça va, cool. En pleine forme? Ah, cool. Bah écoute, bienvenue dans ce Planet Rap. Elio Petrodollar et la Petronation. Ah, il est descendu. En train de sécher déjà? En train de sécher déjà, celui-ci? Il commence à sécher les cours. Ouais, ça commence bien. BY aussi, il sèche les cours. Ça, c'est des gens qui vont faire leur entrée. Quand ils vont faire leur entrée, on va les applaudir. C'est ça, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Bon, ils très bien. Préparé. Voilà, donc, ce soir, encore une grosse soirée. On passera aussi un coup de fil à Maître Gims ce soir d'ici quelques minutes. Exactement. À Gims qui se trouve, je crois, au Maroc. Exactement. Ouais. Donc, on lui passera un petit coup de fil d'ici quelques minutes. Il ne peut pas répondre présent, mais il sera là normalement avant 21h par téléphone. Est-ce que tout le monde va bien? Bah, écoute, ça va très bien. Ça va, très en pleine forme. Ouais, ça va. Et toi? Est-ce qu'on peut débuter ce Planet Rap comme il se doit? Bien sûr. Et moi, j'ai envie de passer ma jolie. Eh ben, j'allais vous proposer. Ah, bah, tiens, voilà. Retardataire, voilà, bravo. On l'applaudit. Bravo, voilà. Oui. Voilà. C'est pour se faire applaudir, en fait. C'est pour se faire applaudir, en fait. Elio Petrodollar. Monsieur Elio, comment va? On est là. Et comment va l'équipe? Comment ça va, Fred? Eh ben, écoute, en pleine forme, il paraît que tu vas nous balancer un titre en exclu dans quelques minutes. Ouais. Enfin, peut-être pas en intégralité, d'ailleurs, peut-être un petit bout. Ah, tu sais, le pétrole, c'est rare, ça se donne pas comme ça, t'as vu? D'accord. Ce sera quelques gouttes d'or noir dans un instant. Voilà. Avec Elio Petrodollar, et je le disais, on débute avec Ma Jolie, morceau qui est arrivé hier. On peut l'avoir depuis hier, ce morceau. Depuis hier, disponible sur iTunes, ça fait que monter, il fait que monter. On voit qu'il y a un maximum de vues. Il y a déjà un peu plus de 100 000 vues là, en une journée. C'est vraiment incroyable. On voit que les gens soutiennent. Donc continuez à nous soutenir. Le lien est disponible sur le Facebook de Shinsekai. Le lien iTunes et le Facebook de Shinsekai et sur YouTube de Shinsekai Vevo. Et bon, on peut y aller. Crime est au platine. Voici Ma Jolie maintenant, les Shinsekai. Gibson, toujours. Ha! 9-3-23-0. Ma Jolie. Clochard ne fait pas semblant. Tu ne seras jamais ni Rihanna, ni Beyoncé, ni Kim K. Non. Dis-moi qu'est-ce que tu prêtes à faire pour l'oseille. Tu nous fais ta princesse, en effet, tu nous manques pas de cran. Tous tes fils de chaise sont faits par intérêt. Tu crèves des cœurs pour crever l'écran. J'ai dit Mac, elle est un. Non, mon gaba, tu ne l'intéresses point. Sauf si tu peux mettre un sac Chanel à sa main. Mac, elle est un. J'ai dit Mac, elle est un. Non, mon gaba, tu ne l'intéresses point. Sauf si tu peux mettre un sac Chanel à sa main. Mac, elle est un. Ma jolie. Ma jolie, enlève un peu tout ton maquillage. Enlève un peu tout ton maquillage. Montre-nous ton vrai visage, ma gueule. Celui dont tu n'es pas fier, ma gueule. Tu veux te ressembler plus tard, ma gueule. Excelle dans savoir-faire, ma gueule. Ma gueule est sortie ce soir pour nous embrouiller l'esprit. La seconde où tu redeviens. J'vois les hommes taper un sprint, n'essaie pas te renier. Accepte le visage que maman t'a donné, montre-moi la vérité. PDG, t'es le meilleur. Y'a que ton miroir qui te reconnaît. Mesquine. Ton visage est aussi beau que celui c'est toi. De Mr Bean. PDG. 1, 2, 3, après Mental, c'est merci toi. Le contouring. PDG. Ce n'est pas ta faute, que tu vois à la télé te pousse à toujours vouloir être parfaite. Réagis, prends confiance en toi car tu nous fais de la peine. Ma jolie, ma jolie. C'est toujours ma nous, jolie, de chez Nsekai. Avant indéfini. Enlève un peu tout ton maquillage, maquillage. Le lien est une, toujours disponible. Faites-nous monter, on va être numéro 1. Suis donc, tu n'es pas fier, ma télé. Tu sors dans le dos de tes frères, ma télé. T'excelles dans savoir-faire, ma télé. Prêt. 1, 2, 1, 2, PDG. À son tour ce soir. Akatsuki Gang, les choses se passent à fond. DJ Lil King. Hey! Rubio! Makele. Makele, autrement dit, ma jolie, le nouveau morceau des Shinsekai qui annonce donc l'album Indéfini. Deuxième extrait d'Indéfini. Deuxième exactement, extrait, ouais. Exactement. Et le premier, on peut aussi le trouver sur le live de Black M. Hein. Ouais, exactement. Le deuxième. Le premier extrait, ouais. Premier extrait. Deuxième fois. On le fait tout le temps quand on est en tournée avec Black M. Du coup, il s'est retrouvé dans le live de la tournée de Black M. C'est un gros titre, je pense qu'on pourra l'écouter. Et on le passera même ce soir d'ailleurs. Tout à l'heure, on passera ce morceau. On va faire d'ailleurs un petit peu le tour de table. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, depuis hier, on oublie quelque chose. On oublie de dédicacer quelqu'un. Allons-y. Qui a beaucoup participé aussi, en vérité, au succès de Makele, c'est Chris Macari. Donc on tient vraiment à remercier Chris Macari. C'est lui qui a fait le clip. C'est la première fois qu'on travaille avec lui et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. On a beaucoup apprécié le boulot. Le mec est professionnel, le mec est fort. Bon, Chris Macari, c'est lui qui réalise la plupart des clips de Booba. Hein. Ouais, voilà, c'est lui qui fait tous les clips de Booba. Généralement, c'est lui qui les fait. Et là, il a donné de la force à Shinsekai. Et donc voilà, on le remercie pour ça. On espère vraiment travailler encore une fois avec. Est-ce qu'il a d'ailleurs une patte particulière? Est-ce qu'il y a un truc particulier quand on bosse avec Chris Macari? Ben ouais, en fait, c'est quelqu'un de... Tu sais, moi personnellement, je le connaissais de nom, tu vois. Je le connaissais de nom, je l'avais jamais vu. Et j'entendais beaucoup, Chris Macari, c'est celui qui fait les clips de Booba, tout ça, machin. Tu t'attends à voir quelqu'un de strict, dans le même délire que B2, un peu fermé, tout, machin. Mais non, en vérité, c'est quelqu'un de simple, d'humble. Et c'est un plaisir de travailler avec ce mec-là. Il te met à l'aise directement. Et donc après ça touche. Il suffit d'aller regarder le clip et on va voir tout de suite la touche de Chris Macari. Et puis envoyez vos réactions aussi toujours avec le hashtag Watibé sur Skyrock. Les Shinsekai sont là. Je vais faire un petit tour de table puisque Linda est là aussi avec nous. Linda qui était encore il n'y a pas très longtemps sur la tournée de Black M. Hein. Ouais. Donc avec ses deux Zolibrius aussi, j'ai envie de te dire. Ouais. Non, je suis super heureuse d'être sur la tournée de Black M. Bon, là, il y a une petite pause, mais ça m'a super fait plaisir et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ouais, est-ce que ça t'a apporté des choses justement cette tournée? Est-ce que tu as encore appris des choses? Bien sûr, j'en apprends tous les jours, et grâce à ceux qui m'entourent aussi. Et il y a des choses qui arrivent, voilà. Toi, on t'écoutera en live tout à l'heure, Linda, parce qu'on n'a pas de morceaux en tout cas à passer. Non. Mais on aura un live avec toi tout à l'heure en fin d'émission sur la partie freestyle de l'émission. Ouais, j'en parlerai tout à l'heure. Et monsieur Elio, par contre, lui, est venu avec. Je suis venu un petit bout, un extrait du premier baril que tout le monde attend depuis longtemps. La Pétronation l'attend, il est là ce soir pour vous. Donc c'est un morceau qui s'appelle comment? On va l'écouter dans un... pas tout de suite, hein, je dis ça, c'est pas tout de suite. Parce qu'on a d'abord le morceau de Le Fa à passer, l'intro qu'on va repasser aussi. Mais toi, il s'appelle comment le morceau qu'on pourra découvrir dans un instant? J'ai envie de faire une devinette. Est-ce que tu connais... Bon, tu connais Star Wars? Oui. T'es un ancien, tu connais Star Wars? Un ancien, non? Non, excuse-moi, non, t'es très jeune. On est d'accord sur tout, mais... Autant pour moi, autant pour moi. Mais oui, je connais Star Wars. Bon, comment il s'appelle le méchant dans Star Wars? La Dark Vador. D'accord, c'est quoi son nom quand il était jeune? Haha, c'est le nom du morceau. Je sais même pas, je suis pas si, pour si vous êtes chaud, allez chercher sur Wikipédia. Regarde le temps qu'on écoute le son de Le Fa, tu vas chercher. Il y en a aucun qui peut me filer la réponse, Momo. Non. Dites-lui pas. Tu vas chercher comme un grand. PDG a trouvé. On est à l'école. Skywalker, ouais, son nom c'est Skywalker, parce que c'est le père de Skywalker, c'est le nom de famille, ouais. Les auditeurs ont répondu rapidement. Les auditeurs sont plus rapides que toi, franchement, c'est dingue. Mais c'est pour vous prouver que je ne suis pas si vieux que ça. Tellement jeune que je ne connais même pas le prénom de Dark Vador. Anakin, c'est ça ? C'est ça, exact. Anakin. Le morceau s'appelle Anakin. Exact. Très bien, on pourra donc découvrir un extrait d'Anakin dans un instant. Voilà, exact. Petite goutte de pétrole dans un instant. Yeah. Mais juste avant, voici l'intro de Le Fa qu'on vous repasse ce soir dans Planète Rap pour cette semaine spéciale Wattibé. Mmh. Justinson, ça bouge up. Dams again. 7-5-0-9. Négro, si tu viens naître, je te conseille de pas t'improviser, maître. 2000, accroche-toi parce que ça va chier. Assis-toi si ton cœur n'est pas en acier. Si t'as des couilles, c'est tout à ton honneur. Mais ça suffit pas pour faire de Watt un mec en or. La réalité est crue et cruelle. Je l'ai vu baiser la fiction dans une ruelle. En preuve d'amour, moi je suis un radin. J'ai pas laissé mon cœur au vestiaire, mais dans les gradins. Avec le peuple, avec mes potes. L'histoire se répète, on ouvre des portes. Mais tu sais la merde, on la connaît, la Hesse nous a cogné, donne le pognon que les moteurs des caisses se mettent à grogner, c'est notre vengeance. On vivait sans gens, pendant que les gens s'en foutaient de nos chansons. Tu sais le succès, on vivait sans ça. Maintenant les gens nous suçaient, sont devenus sociables. Game, je t'ai baisé, mais s'il te plaît, ne tombe pas enceinte. Combien de fois faudra-t-il que je te dise qu'on n'est pas ensemble? Négro, je vais faire du sale, donc prévois les pansements. Tu pensais que j'étais game over, bah tu sais quoi, pense-moi. Je suis pas comme toi, je me suis pas inventé de perso. J'ai cette envie de tout niquer depuis le berceau. Ma colère, je la coffre, je l'emmagasine. Et quand je craque, je disparais, je change ma. Comment dire à tous ceux qui s'improvisent amis que je les déteste comme les femmes détestent la polygamie. T'es le plus beau, mec, j'aime t'es pas le plus non beau. Plus les deux traits, les faux frères. Mentir, yeux dans les yeux, putain, faut le faire. Faux frères, mentir, yeux dans les yeux, putain, faut le faire. Je te connais pas gros, je prends mes distances. Les hypocrites m'ont suffisamment pourri l'existence. Drive. Moi j'ai pas la tête à réfléchir. Le projet c'est tout rafler sans jamais fléchir. De l'autre côté c'est trop maigre, ils ont qu'à pousser. Ils ont qu'à bosser, je vais les éclabousser. Je suis pas encore dead, vous pouvez pas encore me tèche. D'ailleurs j'espère que seuls les frères suivront mon cortège. Tu peux que dire waouh fal, t'as pris du niveau. Merci, mais ton sang va couler dans les caniveaux. Vous pouvez la peur, bande d'acteurs, vous n'êtes pas réglo. Vous ne faites pas le poids, ce chapitre me paraît clos. Rien à foutre de savoir ce que les rival. Ici c'est Paris, c'est tribal, limite cannibale. Arrêtez de me parler, je suis pas d'humeur à les barrer. Vous puissiez pas la peine de me comparer, je n'ai aucun rival. Pas besoin d'insulter des mères ou de crier bang bang. Pas besoin d'une meuf qui twerk à côté d'une belle bang bang. Ah, et puis bang bang, c'est pour mes berbères. Monte sur le ring, mais fais pas le rage si tu dois perdre. Y'a pas de pleine lune ici, y'a que des réverbères. Les longs carousses qu'on seront de l'herpès. L'herpès. Tu me connais toi? Est-ce que tu le connais? Je pense que... En fait je sais pas si... Tu me connais pas? Bah voilà. Nigga, c'est le Wattibé. Les choses se passent. Toujours là. À l'instant donc dans Planète Rap, l'intro de Le Fa, qui prévoit donc toujours pas d'infos à donner, messieurs. Restez branchés. Et allez donc sur Le Fa Authentique pour avoir toutes les infos, c'est ça? Exactement. Hein, voilà. Sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver, un grand monsieur vient d'arriver, vient de faire son entrée, on va l'applaudir. Faites du bruit pour BY. BY qui est là avec nous. Le kicker d'or. Ça va ou quoi? Ça va, BY, tu révisais, il y a le bac ou quoi pour toi? Non, c'est le périph' parisien. C'est autre chose aussi, ouais. T'es bloqué. T'as rien toi en examen, rien tranquille? Non, ça va cette année. C'est relax. Linda aussi, c'est fini? Oui, c'est fini, ça y est. Parce qu'il y en a qui sont. Demain, première étape. Force à tous. Bon courage à tous. Ouais. Bon courage. Les trucs. Dormez tôt, les enfants, dormez tôt. Tiens, Tal, toi qui me paraît le. Ouais. Qui était le plus loin dans les études. Ouais. Là, tu m'as jugé. Là. Du groupe, tu m'as jugé de Shinsekai. Tu m'as jugé. Mais on en est parlé une fois. Non mais je attends tranquille. Il parlait, je me souviens que t'as les premières fois il venait dans le Planet Rap, il était encore. Encore ouais, ouais, moi aussi d'ailleurs. Mais t'as oublié ça. Mais non, c'est pas grave. Vrai. Au début lui aussi il était. C'est pas grave. Au début alors mais 15 jours. 15 jours hein. Une petite idée à ton avis de ce qui peut tomber dans les sujets demain sur la philo. Sur la philo, bah écoute, je sais pas du tout. Et d'ailleurs, moi je sais pas si je suis un très bon exemple pour la philo vu que j'ai une mauvaise note, mais bon, ça m'a pas empêché d'avoir eu mon bac. Mm-hmm. Mais en tout cas, je souhaite force et courage à tous ceux qui passent le bac demain. Et voilà. Peut-être un sujet, tiens, l'indéfini est-il défini? Ouais, ce serait pas mal comme sujet. Faites-nous, moi, j'ai une chose à dire. Une thèse. Faites-nous une thèse. Avec des citations, non, citez pas trop Chine, c'est gay. Voilà. Moi, je vais passer un gros big up à mon petit frère Darcy qui va passer son bac là. S'il passe pas son bac, il peut plus rentrer chez moi. Ma mère, elle va l'interdire de chez moi. Donc, il a pas le choix là, il est obligé de réussir. Et bah, courage à vous tous, hein, tous ceux qui sont en révision. Et puis, courage aux autres. Tiens, on en place une aussi pour Bruno, son cousin David, qui eux partent direction le Portugal, sont tranquilles dans la caisse en train de nous écouter. Les gars, ça fait plaisir de savoir que vous êtes à l'écoute. Et bonnes vacances à vous, ceux qui ont la chance aussi déjà de se casser et de partir en vacances. Donc, BY. Ouais. Quelles sont les nouvelles? Bah, ça va, écoute. Il n'y a pas longtemps, j'ai intégré la tournée de Black M. Ouais. Première partie. Alors? Je découvre, je suis avec ma compatriote Linda. C'est bien passé avec Linda. Linda, ça passe toujours très bien. Ouais, nickel, tout se passe bien. J'apprends plein de choses. Je suis bien entouré, c'est cool. Et tu arrives pile poil au bon moment parce que tu n'as peut-être pas écouté encore un morceau de monsieur Elio Petrodollar. Sérieux? Ouais, c'était la surprise. C'est la surprise du jour. On parle pas. Tu caches des choses. Le morceau, je vais te l'apprendre, s'appelle. Ah bah tiens, Est-ce que tu connais Star Wars, BY? Ouais, un peu. Est-ce que tu connais le méchant de Star Wars? Ouais. Qui s'appelle? Dark Vador. Mais son nom et son prénom, c'est comment? C'est pas Obi-Wan. Non, c'était son maître. Mais il est bon. C'était presque. Non, moi, je sais que c'était un gentil à la base, après il a sombré. Voilà, c'était le papa de Luke Skywalker, donc il s'appelle Monsieur Skywalker, hein, si on le croise. T'es parti loin. Ouais, j'espère qu'il connaît. Et le prénom, c'est Anakin. Anakin Skywalker. Voilà, ouais, yeah. ça revient d'un seul coup. Anakin Skywalker. Donc c'est le nom de ce morceau, juste Anakin. Hein. C'est ça. Après, c'est justement un morceau qui traite de ce thème, tu vois. C'est à la base, c'était un gentil qui a sombré. Donc le côté obscur, ouais. Obscur, voilà. Et c'est à peu près ça le morceau. En gros, tous les jours, on est confronté à des trucs, nanani. À la base, t'es quelqu'un de bien et la vie fait que, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc contre lequel il faut se battre et voilà quoi. Tu donc, ça, c'est un morceau qui arrivera quand? Pour quel projet? Pour quelle sortie? C'est un extrait du premier baril qui est bientôt dans les bacs. On est en train de voir ça là en ce moment. Après, je sais pas si j'ai le droit d'en dire plus. Tu vois, il y a mon manager qui vient d'arriver, il me regarde avec des gros yeux. Kralito de Las Vegas. Et non, voilà quoi, c'est en pourparler en ce moment, mais t'inquiète pas, c'est bientôt le retour du Petro de Tsunami. Et ben, est-ce qu'on peut écouter un petit extrait? DJ Cream balance DJ la Cream. Sauce. Exclu total dans ce planète rap Watibé. Ah. Azo. Agnières, les Mourinous, Tiger. Ok, kicker de Paname. Je suis l'as des as, tu brilles dans le haram. Comme Las Vegas, c'est tout ce qui t'intéresse. C'est gage, pétage, j'ai été élevé par une femme comme Pégase. C'est moi, oui, ça t'en pas. Je rappe mieux que toi depuis que je suis type peu. Je suis trop haut, si vous me crachez dessus, vous aurez l'impression qu'il pleut. Tu connais la technique, c'est le one. On peut faire danser l'in, c'est le one. Je lâche que de la frappe, même la flaque vend mes CD dans du cellophane. Ma douleur me donne du charme et j'ai constaté que l'argent en prend. Je suis rancunier, je reviens t'égorger avec le couteau que tu m'as mis dans le dos. Trop pudique pour me mettre à nu, enduci par les drames. Je suis le seul à faire danser la rue sans parler d'art. Je fais des sons qui donnent des frissons. Les autres font dans la fiction. Quand les billets se multiplient, bah tout ce qui reste c'est la division. Putain, je voulais me la faire belle mais ils ont réveillé la bête. L'ennemi veut me décapiter mais j'ai déjà perdu la tête. Et beaucoup de gens comptent sur moi, je compte sur ma calculatrice. Beaucoup trop d'assurance pour ça que je fais tout à ma guise. À ma guise, à ma guise. Destin sombre comme Anakin. J'essaie de rester droit mais le mal me tire comme Anakin. Beaucoup de gens comptent sur moi, je compte que sur ma calculatrice. Beaucoup trop d'assurance pour ça que je fais tout à ma guise. À ma guise, à ma guise. Destin sombre comme Anakin. J'essaie de rester droit mais le mal me tire comme DJ Twin coupe le son. C'est trop pour l'instant, c'est trop. Papa, on peut pas donner, on peut pas tout donner tout de suite. Il est trop con ce mec. Petro Dollars. Dallas. Vous êtes pas sympa, hein. Shinsekai, il fait la même. Non. Et t'as vu, et effectivement, quand on coupe le morceau comme ça, c'est que après, quand on va te le donner en entier, c'est que ça tu va être encore une plus kiffé. Donc, c'est quand Elio, il arrive quand en entier? Quand est-ce qu'on pourra l'entendre en entier le morceau? J'ai envie de te dire, soyez patient, attendez peut-être une ou deux semaines. Voilà. Peut-être. Peut-être avant. On est pressé. Voilà. Lourd. En tout cas, lourd. Félicitations, ah ouais, c'est la première fois que j'écoute. Même moi, je le découvre. Franchement, merci. Vraiment lourd, frérot. Vous aviez découvert tous Linda pareil, t'avais pas entendu? J'ai rien entendu, ouais. J'ai rien entendu. Elio, ça reste une personne très discrète. C'est vrai. Mais, qui parle peu, mais qui en fait vraiment beaucoup. Et, c'est lourd, frérot. Grand monsieur. Ah ouais. BY, petite réaction aussi à ces quelques mesures du morceau Anakin. Lui-même, il sait, je pense, quoi de lui. Je l'aime bien, Petro. Il... Ah, moi, je sais pas. Hein, j'ai hâte d'entendre ce que tu penses. Il est lourd, ce gars-là. J'ai kiffé le morceau. Je suis pressé de l'écouter en entier. Bon, c'est bon, sort. Donne une date, là. Les réactions. Dinguerie, le premier baril verse les premières gouttes. Laissez le son. Regardez les gens. Demande le son. C'est le son fort, punchline de malade, lourd, Elio. Sabir. Putain, je veux le morceau en entier, droite. Ils sont pas objectifs, c'est la pétronation qui parle, tu vois ce que je veux dire. Le hashtag Watibé sur Skyrock pour agir à ces quelques mesures du morceau. Anakin, dans un instant, on va revenir. On aura Gims en ligne de Marrakech dans quelques minutes. Il y aura du live aussi avec Linda, avec BY, avec Elio, Petrodollar, peut-être les Shinsekai aussi. Tout dépend de l'état de la forme. On passera aussi un extrait du live de monsieur Black M avec un de vos morceaux tout à l'heure. Oui. Deuxième fois, ça arrive. Bougez pas, le Planète Rap revient après ça. Skyrock reçoit le Watibé pendant une heure complète ce soir. Planète Rap Watibé. Watibé sur Skyrock toute la semaine entre 20 et 21 avec Linda Sherazade qui est là, avec BY, avec les Shinsekai, avec monsieur Elio Petrodollar. Il y a quelques minutes, on a mis un petit extrait de Elio Petrodollar, le morceau qui s'appelle Anakin, qui arrivera là dans les jours qui viennent. Et nous sommes en connexion avec Marrakech, il me semble bien. Allo Gims. Allo. Comment va? Ça va ou quoi? Comment ça va? Ça va, ça va, et vous? Bah, j'ai l'impression que toi à Marrakech, ça doit plutôt bien se passer, non? Bah écoute, tout va bien, je suis en plein de tournage là. Ouais, il y a eu Marrakech du Rire. Il y a eu Marrakech du Rire, ça s'est super bien passé, il y avait du monde, super bonne ambiance. Et on me dit de source sûre que tu étais au Maya Bay, qui est une piscine privée de la palmeraie de Marrakech. Maya Bay. Oui, exactement, j'y étais. Un clip. Exactement, un petit passage au Maya Bay pour quelques plans pour le prochain clip. Donc c'est quoi, ton prochain morceau qui arrive, c'est ça, Gims? C'est le prochain single, là, c'est un single d'été, c'est un son très très très lourd qui va arriver, il s'appelle L'été passé. Donc je suis en plein de tournage là. L'été passé, c'est ça? Laissez passer. Voilà. Je me disais l'été passé, cette saison. Donc laissez passer, il arrive quand le morceau, Gims? Le morceau, je pense qu'il arrivera d'ici lundi. Je pense que lundi on est bon. Ah oui, c'est imminent, quoi. C'est juste à côté. Ouais, c'est imminent. Est-ce qu'on peut avoir un petit texte? Et on attend. Et juste avant, on a Melinda Gates aussi qui est terminée. Ouais. Il y a Melinda Gates, un morceau issu de la pilule rouge. Qui arrive, c'est imminent aussi. Ouais, parce qu'on va rappeler qu'il y a la pilule bleue et la pilule rouge, ça c'est le concept de l'album qui va arriver. T'as une date précise d'ailleurs pour l'album ou quoi, Gims? On peut annoncer une date ou... Oui, on peut annoncer le 28 août, c'est bon, c'est confirmé. Donc, le 28 août. Sortie de cet album qui s'appellera, rappelle-nous le nom. Mon cœur avait raison. Voilà. Donc à découvrir 28 août avec, c'est ce que tu nous as dit la dernière fois quand t'es venu sur Skyrock, une sorte de double album avec une pilule rouge, une pilule bleue. Exactement. Donc là, par exemple, le morceau qui tourne sur Skyrock, est-ce que tu m'aimes, il est dans quelle pilule? Il est dans la pilule bleue, celui-là, par exemple. Pilule bleue, et le prochain extrait, c'est une pilule rouge. Exactement. C'est bon, j'ai réussi à tout comprendre. J'ai réussi à tout comprendre. Et donc le laisse-passer, c'est pilule rouge. Laissez passer. Laissez passer, ce sera pilule bleue. D'accord, donc pilule bleue. Melinda Gates qui arrive jeudi. J'ai pas annoncé, il arrive jeudi normalement. Voilà, une bonne nouvelle. Donc c'est-à-dire que. Après-demain. Sur iTunes, il sera dispo, le clip est déjà prêt. Donc ça, c'est issu de la pilule rouge. Donc après-demain, il y a un extrait de Gims qui arrive, de la pilule rouge. Voilà, Melinda Gates. Et on peut pas avoir un petit bout? Tu veux pas nous chanter un petit bout, un petit truc, Gims, par téléphone? Toi, tu veux un petit freestyle par téléphone? Toujours des petits... Tu veux un petit extrait par téléphone? Même 10 secondes, 2 secondes? Franchement, j'aurais bien chanté, mais il n'y a pas de chance. C'est un morceau vraiment qui est rappé. Il commence comment? Je vais balancer un extrait, attention, Lonette. Il commence. chanteur, rappeur, en fin de compte, il n'y a pas de dit. Je compare de moteur, grand jusqu'à place 10, des pieds veulent les mêmes choses. L'oseille palpée 45, ça bouge à comme un coq de 22h45, c'est de retour. Tu voulais voir le king qui était comme Martin? Tu le sens dans la porte, il fait bondir ton père dès le matin. J'ai pas de muse, la truti, ma seule muse, la street, des frères muses, des frères qui font mes muses, des ceux qui appuient sur les flammes, des préceptes, avec des 63 secs, déposer les armes, ouais, je compte jusqu'à 47. Je crois qu'on peut faire ce freestyle par téléphone. Ce freestyle par téléphone en direct de Marrakech. Avant que tu raccroches, Psartek, ouais. Bella Water. Ah merci mon gars, c'est pour nous ça, c'est pour l'Afrique. Yeah. C'est pour le Pierre-Monde, c'est pour les gens en difficulté. Bella Water, bientôt disponible. Toi, j'en ai pas encore parlé, je ne l'ai pas m'éparpiller dans tout, mais c'est un gros projet qui arrive aussi. Donc tu veux dire un mot dessus ou c'est un peu trop tôt, Gims? Non, c'est pas ça, c'est bien sûr, je veux dire un mot dessus, je ne vais pas m'étaler et en parler précisément comme ça, mais le je viens de l'inaugurer si tu veux, j'ai lancé le truc ici à Marrakech, dont j'en ai profité avec mes confrères, avec tous les artistes et tous les auteurs. C'est une fondation que je viens de créer avec mes collègues. Et qui s'appelle Eau de Terre, et elle est soutenue par justement Bella Water. Bella Water, c'est de l'eau minérale que j'ai fait avec un ministre, un ancien ministre français, dont je ne mentionnerai pas encore le nom pour le moment. Une partie des fonds va servir à creuser des puits partout en Afrique, que ce soit l'Afrique noire, le Maghreb, le Bangladesh, un peu partout. Donc c'est vraiment pour sensibiliser les gens, c'est pour l'accès à. Faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui l'accès à l'eau potable c'est quelque chose de difficile. Ouais. Les gens font des kilomètres aujourd'hui avec des seaux sur la tête pour aller récupérer de l'eau. Et c'est un véritable combat, ouais. C'est un vrai combat, l'eau. Ouais. On s'en rend pas compte, hein, parce qu'on est souvent dans des hôtels de luxe, dans des endroits de luxe, mais il y a un vrai problème avec l'eau aujourd'hui. Et j'ai envie de sensibiliser un peu les gens sur ça et faire quelque chose de bien avant de quitter ce monde et tout ce game. Et il y a déjà un site, il y a des choses. La bouteille est là, elle existe. Elle n'est pas encore en distribution partout. Le site n'est pas encore créé, il est en préparation. Je vais faire un gros lancement en France aussi, dans très peu de temps. Donc la Bella Water. Voilà, Bella Water, voilà. Bravo. Avec la fondation Eau de Terre. Et je vais balancer bientôt les photos avec tous les acteurs qui soutiennent les sportifs. Eh ben bravo à toi en tout cas, merci à toi Gims, merci à toi. Merci à vous, merci gros. Et on attend donc jeudi un extrait de la pilule rouge Melinda Gates qu'on attendra donc jeudi avec impatience. Merci à toi Gims. Merci à vous. À très vite. Ciao Gims qui était aussi dans cette semaine spéciale Watibé sur Skyrock. On met un morceau, peut-être qu'on peut mettre un live, un extrait du live. Ouais. Messieurs Shinsekai, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi je suis pire que chaud. Ouais. Remémorer cette grosse tournée, la tournée de Black M qu'on salue aussi. Qui est bloqué là, Black M. Bah on le salue justement. On en profite pour le saluer. Et donc c'est le morceau qui s'appelle Deuxième fois. C'est parti. Exactement. Crime quand tu veux. Coup d'envoi. DJHQ. Yeah, indéfini, what you be? Yeah. Le temps qui passe n'effacera pas tous les souvenirs que tu gardes de mes erreurs. Quoi? Je deviens meilleur. Tu dis que t'es lassé de me voir constamment occupé sans m'inquiéter de tes arrières. Je deviens meilleur. C'est du live, on ne ment pas. Oh, laisse parler ceux qui ne comprennent pas. Laisse. Je dois faire du bif sous la pression de tes lampes. Si oh la pièce, que vous êtes prêts. Mon absence est. Attention, recul, tout le monde tape dans ses mains. Tout le monde fait. GG. Dis-moi qu'est-ce qui nous empêche de recommencer d'éveiller. Je veux votre participation, Olympia. Les gens du fond, tout le monde se lève. Encore une fois, tout le monde se lève. Attention. Et ça fait un, deux. Je veux que tu m'aimes une deuxième fois. Let's get it. Regarde-moi, je veux tu m'aimes une deuxième fois. Regarde-moi, je veux tu m'aimes une deuxième fois. Regarde-moi, je veux. veux tu m'aimes une deuxième fois. Et si je te fais souffrir de sacrifice, veux tu m'aimes une deuxième fois. L'amour est une balle perdue, perdu, perdu comme le temps, perdu comme nos âmes, perdu comme la femme de nos sentiments. Sentiments. Qu'est-ce qui ne va pas, tu ne sais plus, je comprends bien que j'étais assez déçu. Oublie-tu donc tout ce qu'on a vécu à nos débuts. Tout cela est inévitable, c'est exécrable. Tout ce que je veux, c'est baisser les armes et sécher tes larmes. J'ai connu beaucoup de femmes et tu demeures. Et si tu veux le meilleur pour moi, je comprends pas pourquoi tu m'as. Dis-moi qu'est-ce qui nous empêche de recommencer dès le début. Shinsekai, avant indéfini. Ha! Dis-moi qu'est-ce qui nous empêche de recommencer dès le début. De retour, hey! Si je dois tout trouver, je veux que tu m'aimes une deuxième fois. Tu m'adresses la parole que quand ça t'arrange. Ça t'arrange. M'agresse comme si j'avais des comptes à rendre. Et je regrette, oh mon Dieu, je regrette. De ne plus pouvoir aller de l'avant. Quelle est la raison de nos prises de tête? Je ne vois plus le jour à traverser de prison de verre. Tu m'as distancé, ça me laisse penser que souvent on aurait que d'en passer. C'est que l'on s'est aimé. Eh, grosse dédicace au TN Crew. Oh mon Dieu, je regrette. Oh. Anis. Et je regrette, oh mon Dieu, je regrette. Yeah. Je sais pas si t'as. Voilà, ouais, c'est exactement d'elle que je parlais. Voilà, tu jusqu'au bout. Putain bah, stop, de stop, merde, stop, il est encore stop, plus stop. Lourd en live qu'en vrai, qu'en sur CD. Elio avec nous, il y a Linda Sherazade, il y a BY et les Shinsekai. On écoutait le live à l'instant. Exactement. Extrait du projet qui est dans les bacs, celui de Black M. Les yeux plus gros que l'Olympia. Ouais. Qu'on peut retrouver CD, DVD dans les bacs. Depuis le 8 juin. Depuis le 8 juin, en effet. En effet, Linda, dans quelques minutes du live avec Linda, avec BY, avec les Shinsekai, avec Elio aussi. Excuse-moi, j'ai pas suivi. Non, je disais freestyle dans un instant. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça arrive juste avant. Il y a un autre freestyle, cette fois-ci du côté de Niort, par téléphone, avec deux frangins qui s'appellent Cisaï et Okocha. C'est bien ça, du côté de Niort. Allô, allô. Ça ouais, va bien, messieurs. En forme, bienvenue dans le planète rap Ouattibé. Ouais, ouais, c'est proche. Avec mon petit frère, c'est une première dans l'histoire de Skyrock pour vous montrer ce qu'on sait faire. Entre frangins, bravo. On a écrit le texte là, donc on est chaud bouillant. Et ben on y va, les gars, on vous écoute, c'est parti. Ok, c'est parti. D'ailleurs. Au cochon, les stress, tout ça, d'être chez Lyon, ça fait. Check, ça fait. Tout ce véritable kicker, et toi tu te demandes ce qu'ils font. Ils prennent la neige, ils descendent sur des pistes de ce qu'ils font. À fond le feu, freestyle, au Skyrock, je suis pas, ce Rastaman qui se met mal, ce Skyrock, gars. C'est New York, pas New York, notre gros je représente. Attiré par le sol, y'a peu d'apesanteur. Ils veulent de l'argent qui paie les factures. Pour une fois que je passe en radio et c'est pas pour une fracture. Air Max ou pillé, UPOR ou pillé. Je veux les cartes ou pire, on drop le crew pillé. Halo pillé, ouais c'est plié, prié pour que merde devienne rentière. On tirait une leçon, l'erreur à partir la veille ou avant-hier. Sous projet exilé, mec, ça file. Laisse ta fille avec nous, on a tous un sexe, ça pile. Depuis le CM1, je sème. Un CM1 considérable, une vague, c'est les rats, c'est les miens, je sème. Moi, ici pas mal de saignements, je te laisserai rêver, mais je m'accapare. Par tout ton enseignement, l'art de montrer que mon récit plaît dans ma faveur. Un arabe pauvre qui mange des pâtes à l'eau et dans lesquelles y'a pas de beurre hein. Le fisc est gaspillé, l'Europe ne cesse de gaspiller. Voudrait que l'immigré se noie dans la mer, gaspiller, n'aspirer les bobards des politiques. Car Asbi le promet ses belles paroles, mais les actes ne ressemblent qu'à Casper hein. Ouais, ouais. Ok. Allô, allô, Cisaï au Okocha à l'instant. Ouais, ouais. Du côté de Niort, les frangins, freestyle par téléphone. Okocha. Entre frangins, terrible, bravo à vous deux. Ah merci, ça fait plaisir. On peut passer une petite dédicace on ou pas? On vous écoute, on vous écoute, c'est parti. Ok, ok, donc dédicace à mes frères, Nat et Jean, tout le Pontreau, Cholette, la Zup, Pouzier, Levin, La Rochelle, Manu tu descends, Jim Jazouli, El Piscine, Agib, Rémi Bon, Gabine, Estresse, Monsi Pekma, Tupac aussi, faut pas oublier que c'est sa date et de naissance. C'est la date où il y a anniversaire aujourd'hui. À Tupac Shakur. C'est vrai. Et... date anniversaire aujourd'hui. Donc voilà, merci à toutes et à tous. En tout cas, Niort, on est là. Si, et sinon, vous tapez Cisaille sur YouTube, vous aurez toutes mes vidéos. J'ai mis mon album en téléchargement gratuit sur Haute Culture. Donc voilà, allez choper ça quoi. C'est Cisaille, hein, c'est bien ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Merci à vous les gars. Ouais. Et pour tous ceux qui se butent à Touquet aussi le soir, tu vois. Merci en tout cas, merci à vous. Et bah butez-vous bien, ciao. Merci. Passez une bonne soirée. On est prêt pour le live dans le studio maintenant, messieurs, mesdemoiselles. Linda, les Shinsekai, BY, Elio, Petrodollare, DJ Krim, c'est parti. Oh. Défini, indéfini. Hey. Ma jolie, oh, ma jolie, oh, ma jolie, oh, ma jolie. What? Ma jolie, oh, ma jolie, oh, ma jolie, oh, ma jolie. Enlève un peu tout ton maquillage, maquillage, maquillage. Enlève un peu tout ton maquillage, montre-nous ton vrai visage, ma kélé. Suis donc tu n'es pas fier, ma kélé. Tu sors dans d'autres tes frères, ma kélé. Excelle dans savoir-faire, ma kélé. Oh, oh, oh, hey. Je vais pas me jeter sur toi, j'aimerais te voir le matin, ma kélé. Une femme ou œuvre d'art, ton visage est repeint, ma kélé. Belle histoire, on sait tous où tu viens, ma kélé. T'as eu tous mes gavards, ta beauté n'est qu'une feinte, ma kélé. Fontain sur le col, rouge à lèvres sur la joue, on sait que t'es passé par là. La lumière éteint, ta beauté voit le jour, pour le reste c'est un bon débarras. Chez toi t'es une sainte, mais en bois tu nous roules, ma soeur tu nous mets dans l'embarras. Malgré ça t'arrives à jamais ceux qui refusent de voir. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Enlève un peu tout ton maquillage, maquillage, maquillage. Enlève un peu tout ton maquillage, montre-nous ton vrai visage, ma kélé. Celui dont tu n'es pas fier, ma kélé. Tu sors dans tous tes frères, ma kélé. T'excelles dans savoir-faire, ma kélé. Hey. On t'a vu dans le club mendiant, du champagne aux gens. Clochard ne fait pas semblant. Tu ne seras jamais ni Rihanna, ni Beyoncé, ni Kim K. Non, non, non, non. Dis-moi qu'est-ce que tu es prêt à faire pour le Zay. Tu nous fais ta princesse, en effet, tu ne manques pas de cran. Tous tes faits et gestes sont faits par intérêt. Tu crèverais des cœurs pour crever l'écran. J'ai dit ma qu'elle est ma qu'elle est ma qu'elle est un. Non, mon gavage, tu ne l'intéresses point. Sauf si tu peux mettre un sac Chanel à sa main. Ma qu'elle est ma qu'elle est ma qu'elle est un. J'ai dit ma qu'elle est ma qu'elle est ma qu'elle est un. Non, mon gavage, tu ne l'intéresses point. Sauf si tu peux mettre un sac Chanel à sa main. Ma qu'elle est ma qu'elle est ma qu'elle est un. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Enlève un peu tout ton maquillage, maquillage, maquillage. Enlève un peu tout ton maquillage, montre-nous ton vrai visage, ma qu'elle est. Celui dont tu n'es pas fier, ma qu'elle est. Tu sors dans d'autres tes frères, ma qu'elle est. Excelle dans savoir-faire, ma qu'elle est. De sortie ce soir pour nous embrouiller l'esprit. La seconde où tu redeviens toi, je vois les hommes taper un sprint. N'essaie pas te renier. Accepte le visage que maman t'a donné. Montre-moi la vérité. Y'a que ton miroir qui te reconnaît, mesquine. Ton visage est aussi beau que celui de Mr. Bean. Ma kélé. 1, 2, 3, abracadabra et merci le contouring. Ma kélé. Ce n'est pas ta faute que tu vois la terre. Tout ça toujours vouloir être parfait. Ma kélé. Réagis, prends confiance en toi car tu nous fais de la peine. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie, oh ma jolie. Enlève un peu tout ton maquillage, maquillage, maquillage. Enlève un peu tout ton maquillage, montre-nous ton vrai visage, ma kélé. Suis donc tu n'es pas fier, ma kélé. Tu sors dans tous tes frères, ma kélé. Excelle dans savoir-faire, ma kélé. Le Shinsekai, avoir un défini, ma kélé. Les choses se passent à fond, l'album arrive. On continue de faire tourner, ma jolie, ma jolie. On gagne, DJ Lil King. Dawala, hey. Makele. Linda, c'est à ton tour. On ne s'arrête pas, c'est le Watibé, Linda Sherazade. Oh, oh, oh, oh. Spécial remix. Hey. Mon refrain, je suis désolée. J'aurais aimé te rendre la monnaie. Gêné, je pense à tout ce que tu m'as donné. ces moments durs où tu m'as épaulé. J'étais pas seule, t'étais à mes côtés. Personne m'entend et toi tu m'écoutais. La suite fait mal, je me tais, tu la connais. Fallait que tu saches que je suis dégoûtée. On se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. Avant que nos cœurs explosent, on se fait du mal. Dealer, Linda. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. On se fait du quoi? On se fait du mal. On se fait du quoi? On se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. Oui, on se fait du mal. Non. On se fait du mal. On applaudit Linda quand même. Impressionnant. Quelle voix. Petrol Dollars à mes côtés. Et ça souffle. Petrol Dollars. Yeah. Pour les gens d'Ascribert. Bravo, tu connais. Un. Petrol Dollars. Tu vas swinguer. L'ambiance va être saoudienne pendant quelques minutes. Tu vas aimer. Ça fait. Ok. J'ai du vice, je viens de la rue et je connais toutes ces ruses. Une tasse paye en cash, une autre comme les poupées russes. Sortez les pop, j'ai tellement baisé le game qu'ils vont passer mes clips sur YouPorn. YouPorn. Le game s'est fait baiser. Et je vais tellement baiser le game qu'ils vont passer mes clips sur YouPorn. La technique de mes rimes décapite vos sensei. Rap français, je réanime, je maîtrise rien ton tensei. T'as besoin de structure, s'il te plaît, me fais pas rire. Dis pas que t'es dans le futur, t'as même pas de plan d'avenir. J'étais cool, mais là j'ai plus le choix, je vais vous faire mal. Je vous monte en l'air gratuitement, bienvenue dans la Petro Airline. Ceux qui négligent reviennent déjà demander pardon. Rêve pas, y'a qu'en roulant ta bug, tu pourras faire un quart. Écarte-toi, je pourrais t'érafler. Mon seul objectif, c'est de tout rafler. Préviens TFA et pour scaper. Les MC sont des, j'ai tous tapé. Pour en être la Géo, je t'ai fait. Pour en être la Géo, je t'ai fait. Je qu'on parle de moi dans les télés, dans les cellules. Et les postes café comme une horloge. Je vois la retourner. Fais-moi la passe. Fais une retournée. Tu me crachais dessus, maintenant tu suces. Bravo, mon gars. Bien fin gourmet. Tellement propre et insolent que je te dis, vas-y, salis-moi. J'en ai vu de toutes les couleurs comme l'armoire d'un Zaïrois. Sale histoire. Je voulais me la faire belle, mais ils ont réveillé la bête. L'ennemi veut me décapiter, mais j'ai déjà perdu la tête. Hey, les cas ça souffle, mon gars sûr. Tu vas swinguer même sans musique. Même sans musique. J'ai les Queen, DJ Queen, change de prod s'il te plaît. Ok. Petro Dallas. Ma gauche sur Rajakstan du Kazakhstan. Tu connais Petro. Aïcha, ma soeur d'une autre mère. Ok. Ça fait. Oui. Ça fait. Petro. Ok. Dans un monde d'illusions, c'est peut-être pour ça que l'argent rend court. Pas de solution, chacun sa guerre face au monde entier comme Rambo. J'suis prêt pour la guerre des nerfs, j'm'en bats les couilles de qui tu es. J'insulte pas leur mère, j'respecte même les prostituées. J'suis venu du bled pour faire du blé comme ces putains de vendeurs de maïs. Et entre nous, tant que j'fais mon bif, m'en fous sincèrement qu'on me haïsse. J'prends de l'ampleur qu'on s'est recolisé. Mère en pleurs, mineur alcoolisé. Terrain miné, voiture banalisée. J'ai vu la Hesse me paralyser. J'ai grandi dans les tours de briques, ma maison faisait peur à l'huissier. Arrêtez le rap de bienvenisier. Embrouille, les mecs s'affrontent, la police scientifique compte les douilles. À quoi ça sert de pousser la fonte si tu peux même pas porter des couilles. Wouh. Ça aime. Ça avec t'as aimé. Tu vas pas dire ce que c'est. Petro Dollars. DJ Kmim, change de prod s'il te plaît. Ça avec t'as aimé. Ok. Là, ça va être la merde pendant quelques instants. Ça fait. Ok. Ouais. Et j'ai les épaules sans pousser la fond. Ouais. Y'a que mon banquier qui peut me régler mon compte. J'ai les épaules sans pousser la fonte. J'te dis qu'y'a que mon banquier qui peut me régler mon compte. J'vais les buter. Sans sommation. Longue vie à la Petronation. Tous les buter. Sans sommation. Longue vie à la Petronation. J'vais les buter. Sans sommation. Longue vie à la Petronation. Tous les buter. Sans sommation. Longue vie à la Petro. contrôle. Ok, ok, là où je suis né, y'avait pas de terre contrôlée. Chez moi, la violence est innée, je viens couper les têtes couronnées. Exilé Napoléon, éclipsé le roi soleil. Donner de l'argent à ta maîtresse pour qu'elle t'étouffe dans ton sommeil. Ils jouent les thugs avec des jeans serrés comme des leggings. La concurrence me pompe, ils prennent mon zizi pour une tétine. Mesquine, mesquine. Les MC jouent les bandits, je vais les appeler Jacques Mesquine. Tu veux savoir d'où vient la rage dans mon récit? Là d'où je viens, les prostituées font des meilleurs parce que Messi. Encore une histoire de Tessie, voyou des terres, flic agressif. Même le gardien est agressif, la poisse nous colle comme l'adhésif. Ils nous prennent pour des pions dans leur discours. On a trop côtoyé l'échec en jouant les fous en bas des tours. On est victime de notre époque. Oui. La vie c'est pas une chanson de zouk, fais attention à qui tu te frottes. L'écriture des pointures et quand je rappe, tu le sens. L'esprit dur, les points durs, j'ai les mains qui pulsent. Ils boycottent mon succès, invite-moi, je tue le son. Je rappe mieux que toi et tu le sais, la t'as le somme et tu le sens. Ouais, et j'ai les épaules sans pousser la fonte. Ouais, y'a que mon banquier qui peut me régler mon compte. Ouais, j'ai les épaules sans pousser la fonte. J'te dis qu'y'a que mon banquier qui peut me régler mon compte. J'vais les buter. Consommation, longue vie à la pétronation. Consommation, longue vie à la pétronation. J'vais les buter. Consommation, longue vie à la pétronation. Tous les buter. Consommation, longue vie à la pétronation. Yeah. C'était le Watibé sur les antennes de Skyrock. Tu connais. Longue vie à la pétronation. Savec Talibé. Le game s'est fait baiser. DJ Queen. Aïe aïe. Ok, c'est le Watibé sur Skyrock. C'est le Watibé sur Skyrock. C'est le Watibé sur Skyrock. C'est le Watibé sur Skyrock. C'est le Watibé sur Skyrock. Le Watibé sur Skyrock. Le Watibé sur Skyrock. J'suis sur un sein, c'est que ça cogne. On évite les cons, les sales cônes. J'arrive en balle, balle, balle, poteau. Je vais tout pop-pop dans l'hexagone. C'est des télos, mais j'fuck les consignes. Monsieur l'agent, fuck ton insigne. Puissance de frappe comme l'Iran. Évident qu'il faut les consignes. Ceux qui veulent t'exprimer sont tapis. Étoile montante, qu'on prenne des papis. J'suis discret, j'aime pas quand ça brille. Vos rappeurs réveillent mes papis. T'as des prods en voix. On a choisi nos voix en amitié. J'suis comme l'hymen, faut pas me la mettre. On me perd qu'une fois. J'tire que dans les lucarnes. Débute ton cal zéro. J'suis posé sur Orléans. J'viens des girolles comme Calogero. J'rappe depuis que j'suis minot. J'ai pris de l'avance, ils sont dans mon dos. Pas les reins des commentaires, à vos commentaires. J'veux faire le tour d'El Mundo. J'suis mystérieux comme les aliens. J'suis sur Namek, c'est pour mes saliennes. J'suis sérieux, y'a trop de saliennes. Trop de meufs ou de mecs qui veulent me haïen. T'es trop nul, t'as pas la moyenne. East Eleven, si j'pète un Cayenne, ça manque de ça. Dans le rap game, j't'arrache la bouche, piment de Cayenne. Ah ouais, j'veux m'barrer, pourquoi tu parles, petit Joroto? Oui, bien sûr que j'arrête le rap si j'gagne 3-4 millions au loto. Zide le volume, drain et fait l'auto. J'prépare des dingueries sous le manteau. T'es habillé et t'as pas d'armes, pourquoi tu parles de gun et de moto? Le flow d'une page, j'en ai réticent. Devant l'agent, on est réticent. Oui, on rigole comme des gogoles, mais demande à ta meuf, on est séduisant. Ils gagnent de la force en médisant, on gagne de la force en s'épuisant. Regardez-les, ils sont aussi puissants, mais j'étais meilleur qu'eux. À mes 10 ans, c'est le Watibé sur Skyrock. C'est le Watibé sur Skyrock. C'est le Watibé sur Skyrock. C'est le Watibé sur Skyrock. Le Watibé sur Skyrock. Le Watibé sur Skyrock. Le Watibé sur Skyrock. Le Watibé sur Skyrock. Quel perso, il est chaud. Il est chaud, il est chaud. Petit con. Dédicace à tous mes amis. Je pense qu'on peut dire bravo, bravo pour ce live à l'instant. Ça a commencé avec les Shinsekai, le morceau Majoli. Exactement. Ça a enchaîné sur ce remix incroyable de Black M de Linda. Du mal, de Linda. On a basculé sur Eli au Petrodollar. Petrodollar. Session freestyle et BY aussi qui a tout découpé. Rien que pour ça, j'ai envie de faire un gros oh oh oh ah. Oh, oh, ah. Voilà, merci. Yes. Merci à vous tous, en tout cas, merci pour cette belle soirée. Bravo. Yes. Merci à toi, Fredo. C'était n'importe quoi. On a appris plein de choses. Hein. On a eu plein d'infos une fois et de plus ce soir. Et c'est le début de la semaine. Toute la semaine, il y a des grosses surprises. Il y aura des grosses surprises toute cette semaine. Donc, et n'oubliez surtout pas, Majoli est dispo sur iTunes. C'est sur YouTube. Majoli, le tube de cet été. Et n'oubliez pas, The Shinsekai avant indéfini. L'album qui arrive. Linda, on t'écoute. Oui, j'ai une petite chose. J'ai oublié quelque chose. Vas-y. Alors cette semaine, il y a un clip vidéo qui va sortir. En fait, c'est un clip. J'ai repris Reste, un morceau à moi, Reste en acoustique, plus le remix de Black M. On fait du mal. Voilà, intégralement. Voilà, qui sera repris. Donc les deux morceaux en une vidéo qui arrivera très bientôt. Donc voilà, restez donc là, branchés. À guetter, faut guetter. Voilà, à guetter, restez branchés. Merci, merci Linda d'être passée en tout cas, puis on te suit aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. BY, merci d'être passé. Hein. Merci à toi Fred. Bonne découpe, plaisir. Comme d'hab. Ensemble. Super fort. BY plaisir. Officiel pour allez, le suivre. Allez, follow, follow, follow. Allez, follow, ensemble, follow, allez récupérer BY it? Officiel. Elio, merci aussi pour l'exclus tout à l'heure rien et pour rien. Ce freestyle. Et j'ai envie de dire à tous les internautes qui suivent, etc. Le morceau arrive. Incessamment soupé sur internet, donc restez connectés. Et restez voilà. connectés, merci à Krim qui était là aussi ce soir et on fait tourner la roulette. J'ai Krim. Skyrock t'offre le nouvel album de Nekfeu, celui de Big Flo et Oli. Plus 100 chèques cadeaux de 50 euros. Skyrock. Salut Océane de Coignières, ça va bien Océane? Ça va et toi? Ça va en pleine forme, toi t'as pas d'examen demain, t'es tranquille? Non, pas cette année, non, ça va. Pas cette année, t'es en seconde Océane, c'est ça? Hein ouais, c'est ça. Bon, et bah bienvenue dans ce planète rap, prête à faire tourner, on y va? Ouais, pas de soucis. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case Océane, c'est... Et ben voilà, c'est fait. Les albums de Big Flo Oli, album de Nekfeu et les 50 euros de chèque cadeau qui arrivent à la maison. Merci, merci. Pour acheter ce que tu veux. On te fait un bisou, Océane. Merci. Je peux pas une petite dédicace? Vas-y, vas-y. J'ai une dédicace à ma soeur qui va passer ses examens. Et à tous ceux qui passent leur examen demain. Ouais, bah courage à vous tous. Et merci à toi. On te fait un bisou, Océane. Merci à vous tous, l'équipe du Watibé. Merci, merci à toi, Fred. Merci BY, merci. Linda, Elio. À la prochaine. Et rendez-vous et demain. Demain, ça continue avec encore d'autres surprises. Toute la semaine. Toute la semaine, il y aura des surprises. Je veux placer une dédicace. Vas-y, vas-y, vas-y. À un oncle à moi. T'as déjà vu quelqu'un tonton. Placer une dédicace? Tonton JC. Tonton JC. Eh bah, tonton JC. Je veux aussi une grosse dédicace. Donc voilà. Moi aussi, j'ai une dédicace à faire. Ça fait la dédicace à ton oncle, je vais faire la dédicace à mon neveu. On va tous faire des dédicaces. En ce moment même, Evans, quand on est là. Yeah. On est ensemble à tous mes incous, on est ensemble. À Matim, à Nawel, à Kakou et à tous ceux qui nous reconnaissent. Eh ben merci à vous tous, passez une bonne soirée, on va retrouver D-Fool maintenant. Mais et oui, toute l'équipe. D-Fool, t'as toujours pas fait la vidéo. Ah oui, tu veux que je fasse la vidéo? Moi je suis pas très vidéo, tu sais. Tu vois, tu nous as mis la pilule là. Mais on la fera, on la fera. Ok, y'a pas de problème, je fais confiance. Tu choisis, tu veux qui? Tu veux Marie ou moi? Je veux les deux en fait. Ah, tu veux les deux, c'est gentil. Tu veux nous tous quoi. Exactement. Eh ben, merci à vous en tout cas pour cette grosse soirée Planète Rap et qui recommence demain à partir de 20h. Hein. Yep. On sera là. Un petit truc à Fred. On sera là avec vous. Ah, alors attends, Karim veut te demander un truc, Fredo. Qu'est-ce qui se passe, Karim? Là, juste avant. Qu'est-ce qui se passe, Karim? Tu m'as entendu quoi? Avant, je veux que tu me refasses un OOA. OOA. Il a massacré mon truc. Ouais, c'est clair. Refais. Attends, tu veux que je te le fasse bien? Vas-y, refais-le. Vas-y, refais-le. Attention, 1, 2. OOA. Alors, Karim, tu dis quoi? Oh genre, non mais il se fout de notre gueule en plus. Non, pas du tout. Non, non, c'est ouais, mon OOA. On avait moi. Entendu que c'était pas toi. Hein. Ah, il est pas mal celui-là, Fred. Il est pas mal, tu l'as bien fait. Vas-y, vas-y. T'as vu comme je l'ai fait? Ouais, pour une fois, tu l'as bien fait. Tu veux que je refasse un deuxième? Vas-y, refais-le. Alors attention. OOA. Oh, ah. Ah, l'escroc. Fred, t'es un escroc. Mais pas du tout. Mais si. Ouais, genre. Mais si, mais si. Pas du tout. J'ai fait un magnifique OOA pour Karim pour lui faire boucler son. Son clapet. Voilà. D'ailleurs, merci Jassim qui vient d'envoyer un message juste à l'instant. Tu vois, je t'en lis qu'un. Hein. Mort de rire, Fred, qui sait pas faire du tout. Voilà. On peut pas savoir faire maquiller. En tout cas, merci les gars et on se revoit demain très vite. Et bah, yes. Demain 20h, c'est Planète Rap. Yep. Et là, attention, tu as un petit blind test. On va écouter quoi? Nekfeu? Bah ouais, Nekfeu. Il était là la semaine dernière dans Planète Rap et dans la Radio Libre. Nekfeu qui a pris feu d'ailleurs dans la Radio Libre. Allez voir les vidéos, les photos de Nekfeu. Rien à foutre de rien. On verra. Et ben on va écouter là ça, tout de suite Nekfeu sur Skyrock. Ah, même moi, vous me lancez, je suis karaoké toute la soirée. C'est parti quoi. Ah, ben, on va peut-être organiser un nouveau concept d'ici cet été. Si tu pars pas en vacances, Fredo, on peut organiser ça cet été entre 20h et 21h. Hein. Planète Rap, une soirée karaoké de Fredo. Ouais. Ok, bah rendez-vous cet été alors. Vous laissez des morceaux, ils vous les chantent. Ou les massacres. Ça va être joli. Tiens. Ouais. Bon bah nous on arrive avec Nekfeu dans un instant avec toute l'équipe aussi et puis avec vous en direct 01 53 40 30 20 on vous attend en direct jusqu'à minuit, c'est la radio libre et c'est parti sur ciao, Skyrock. Ciao. Salut. Ciao. Salut le Watibé. Le morning de D-Fool, une équipe de choc.